les gars, pourquoi ces dernières soirées on n'entend plus nos voix dans la rue résonner? On voit plus nos minois de rire torturé. Est-ce que le mot d'emploi se serait envolé? Et toi, pourquoi tu bois? Et c'est pour l'oublier. Mais depuis le temps, tu vois, ça a pas l'air de marcher. Après tout, tu crois pas que quitte à picoler, on ferait mieux d'être tous là et de boire à la santé. À la santé de ceux qui sont pas malheureux, à la santé de celles pour qui la vie est belle. Dites-moi les gars, ça va pas bien fort en ce moment? C'est une raison à ça, personne le sait vraiment. Mais on va quand même pas baisser les bras maintenant. On aurait l'air de quoi du haut de nos 20 printemps? Et toi, pourquoi tu bois? T'as du mal à marcher, avec une jambe en bois tu serais moins emmerdé. Mais te reste encore ta voix et ton envie de gueuler, et ton envie d'être là et de boire à la santé. À la santé de ceux qui sont pas malheureux, à la santé de celle pour qui la vie est belle. Dites-moi les gars, pourquoi les rideaux sont baissés? Ça fait longtemps qu'on a pas vu le soleil entrer. Je suis sûr que les gens croient qu'on a tous déserté. Après tout, pourquoi pas? Faudrait creuser l'idée. Et toi, pourquoi tu bois? Oui, c'est pour oublier que ces derniers temps t'as pas l'impression d'exister. Tu vois, t'es quand même là, même un peu tristouné. Et maintenant t'as plus qu'à trinquer à la santé. À la santé de ceux qui sont pas malheureux, à la santé de celles pour qui la vie est belle. Les gars, vous avez pas comme une envie de chanter, de cracher sur tout ça, et d'envoyer valser tous les pépins qu'on a, toutes nos envies de chialer, tous les kilos de tabac qu'on devrait pas rouler. Et les gars, on a qu'à rester là éveillé, et à l'aube on ira voir les bourgeois se lever. On les enviera pas, tous ces gens bien rasés. On préférera être là et boire à la santé.